Ce soir, la créativité au service de l'autonomie. Mais alors, quand j'étais avec lui, il me disait tout le temps, c'est bien dangereux la créativité, parce que il y a une grosse part d'âme puis d'astralisation dans la créativité, parce que les gens prennent leurs idées comme étant matière concrète. Ils ont trop l'impression que l'idée qu'ils ont, c'est réalisable dans une échelle de temps très, très, très court. Puis, évidemment, pour avoir accompagné cet homme-là dans tous les jeux de Xenor, Roche Sauvage, plein d'affaires, en tout cas, qui se sont passées à travers la dynamique du groupe, ben, j'ai pu constater effectivement que beaucoup de gens avaient beaucoup d'idées, de concepts intéressants, des motivations tout le temps pour libérer la planète de tous ces maux, mais que malheureusement aussi, avec le temps, ça tenait pas le cap parce que c'était pas bien implanté, c'était pas bien ajusté aussi aux besoins qui devaient déborder du groupe en question, parce qu'il n'y a pas assez de support en soi, il n'y a pas assez d'argent là, pour supporter ça. Et puis que finalement aussi, l'homme, quand je parle de l'homme, je parle de l'être humain, a des mécanismes qui sont, je dirais presque autodestructifs, qu'il est capable de mettre un plan d'action théorique qui est excessivement intéressant, dans le sens que ça, il y a des gens qui sont très bons vendeurs, qui stimulent très bien le produit, le service ou la dynamique dans laquelle ils sont, mais qu'ils sont aussi très avares de partage. Donc, en n'étant pas très, très aptes à l'échange, en cherchant, comme on dit, à toujours mettre un élément de condescendance au-dessus des autres, ben ils se brûlent le tapis, ils se brûlent le terrain sur lequel, effectivement, ils auraient pu réussir le concept dans lequel il fonctionnait. En d'autres termes, tous les patterns de créativité qui m'ont été donnés de voir au cours des peut-être 20-25 ans, ils ont tout le temps été détruits par le concepteur. Tous les concepteurs ont réussi à mettre à terre leurs bonnes idées. Pas parce que la bonne idée n'était pas bonne, mais c'est parce que la bonne idée était mal gérée. Elle était gérée avec des attitudes excessivement égoïstes et puis très peu axées sur l'échange. Ce qui m'amène à parler du fait que la créativité, c'est une très forte mise en vibration qui peut être un excellent test à l'ego pour lui faire vibrer et vivre beaucoup de polarité, beaucoup de bien, beaucoup de mal, beaucoup de positif, beaucoup de négatif et beaucoup d'intelligence, puis aussi beaucoup d'absurdité. Parce que tu peux avoir du génie, mais tu peux être absurde aussi dans tes opérations, dans ton mode de fonctionnement. Conséquemment, si vous êtes mis en vibration pour avoir des idées créatives, il vous faut être capable de lire le concept, d'établir si vous avez les ressources pour alimenter le concept, puis si vous avez un support d'environnement humain qui peuvent vous donner, je dirais, une espèce d'étude du marché, une étude de qu'est-ce qui est faisable. Faisable, ça ne veut pas dire que ça va se faire, ça veut dire que c'est faisable. Quand les compagnies font des études de marché, ils étudient une faisabilité, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont prêts à lancer le produit immédiatement. Quand ça a passé le test, quand l'idée a été structurée dans un concept, parce qu'avoir une idée, n'oubliez pas, là, ça ne veut pas dire que c'est organisé. Là. Tu sais, moi, je prends une idée de faire quelque chose. Tu sais, exemple, organiser j'aime la moto, là, je vais en chercher demain. Je pourrais dire, bon, ben là, dans le groupe là, de 50 personnes que je connais, je vais me partir à un club de moto. On va être deux, peut-être trois. Puis je vais inviter les femmes, évidemment, à s'acheter un casque, des bottes, puis, tu sais, à se louer des motos. Bon. Si c'est pas structuré, on oublie ça, là. Hein? Il y a beaucoup de vous autres qui pensent plus à la retraite que d'aller se faire mourir sur une machine plus vite que le temps que Urgel Bourgie vous attend, tu sais. Fait que c'est sûr que ça demande une structure, une organisation phénoménale avant d'aboutir dans les ressources que les gens doivent avoir pour avoir la moto, puis le support aussi pour les gens qui vont piquer une crise quand ils vont vous voir partir. Vous dites, voyons, Constance, si tu t'en vas là-dessus, tu vas mourir. Tu vas nous laisser, tu vas nous abandonner. Nous autres, on a besoin de toi à tous les jours. Tu as une envie de quelque chose, là, puis tu nous abandonnes, tu t'individualises, puis tout ça, c'est à cause de Ménard. Le diable! Comprends-tu? Fait que c'est dangereux, une idée créative comme ça, là. Tu sais? Bon, créatif, c'est relatif, mais tu sais, je suis capable de vendre la salade, que le grand vent, puis tout le kit, on oublie tous nos problèmes, on s'en crée d'autres, parce qu'on vient tout plein de mouches, puis de petites roches, puis tout le kit, tu sais, puis de poussière entre les dents. Mais tout ça, ça pourrait, tu sais, comme on dit, se vendre, mais si c'est mal organisé, si les gens n'ont pas les ressources pour supporter ça, puis s'il n'y a pas de support aussi de l'environnement, des gens qui décident de faire le mouvement, oubliez ça, là, c'est pas partable. Tu rouvres ça à tout le Québec, puis tu fais une diffusion de ça, là, ça marche. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'auto-détruisent dans une idée parce qu'ils sont mal structurés. Ils ont une mauvaise vision de ce qui va être possible avec les ressources qu'ils ont. Souvent, ça s'écrase dans les ressources. Bon, au moins 80 % de votre créativité qui s'écrase par manque de ressources. Les ressources étant quoi? Les ressources principales, c'est l'argent. Ça représente aussi une tribune que vous êtes capable d'avoir un micro pour parler, une publicité que vous pouvez faire. Donc, une bonne parole, c'est un bouche à oreille pour certains qui veulent ça simple. Et puis, les ressources aussi, c'est les gens qui vous encouragent, les gens qui participent. La participation, moi, je peux dire que moi, ma participation, là, je suis au minimum de mes ressources. J'ai une participation, quand je fais une conférence, puis j'ai 15 personnes, j'ai pas payé, j'ai une augmentation de 35 % cette semaine par rapport à l'autre, là, le mois passé. Faut croire que ça a neige qui vous retardait. Mais ça veut dire quand même que j'ai un minimum de ressources. Mais j'ai un concept qui a été testé pendant 30 ans. Ça fait 30 ans que je parle en conférence, passé même. Je suis bien structuré, bien organisé, l'idée, le matériel, le contenu, tout le kit, tout le monde aime ça. Mais j'ai un minimum de ressources, puis le support, il est très à la limite. Mais ça, en diffusion, Journal de Montréal, ça patente, mon matériel ne passe pas. On oublie ça. Fait que techniquement, je suis un survivor. OK? Ça ne veut pas dire que c'est pas possible de le faire longtemps. Mais si moindrement mes ressources diminuent, c'est terminé. Ça va rester auteur inconnu, reconnu en l'an 2242. Mais mort depuis longue date. Allons chercher où sont ses os. Dans une pyramide de glace, dans le nord de Saint-Jérôme. Et puis, c'est ça. Fait qu'on comprend assez facilement que de la créativité, tout le monde peut en avoir. Mais tout le monde peut aussi se placer dans une expérience de vie où il vit un élégant rejet, pas rejet dans le sens que les gens le rejettent directement, mais rejet dans le sens que à cause qu'il y a une faille dans ces trois éléments-là, le concept qui est de l'organisation, ressources puis support, bien là, à ce moment-là, il vit un rejet parce que, excusez, ça ne réussit pas à partir, ça ne réussit pas à lever. Là, à ce moment-là, on qualifie ça de rejet. Rejet dans le sens que, le produit... il ne se rend pas ses tablettes. Le produit ou le service ne se rend pas ses tablettes. Et là, à ce moment-là, la personne n'est pas capable de décoller. Bon, évidemment, vous allez me dire, « Ouais, mais si ma créativité ne décolle pas, qu'est-ce que je peux mettre au service de mon autonomie? » Écoutez, si vous me parlez d'autonomie, strictement, c'est une base financière. Trouvez-vous une job, puis commencez à penser à des idées après. Mais assurez-vous d'être capable de manger, parce qu'un ventre vide, ça ne pense pas fort. Ça pense survivre, mais ça ne pense pas en termes d'engendrer quelque chose qui va atterrir dans l'oreille des gens comme étant sécuritaire. On n'a pas le goût de baquer quelqu'un qui crève de faim. On a le goût de baquer quelqu'un qui a mangé, qui a de l'air heureux, qui sourit, que quand il boit un coke, ça a l'air d'être le liquide céleste. Puis ça, j'ai appris ça des gars qui... J'ai travaillé avec Labatt, là, qui vendait de la bière, là, puis il me disait, jamais faire de publicité avec une personne qui ne sourit pas. Il faut toujours que tu aies de l'air heureux quand tu consommes notre produit. Tu ne parles pas du produit, tu souris, tu as de l'air heureux. Tu fasses n'importe quoi, tu es heureux. Donc, c'est le message par l'exemple qui passe le plus. Une personne a une idée, puis son idée est à côté sur une souffrance. Oublie ça, là. Tu n'es pas vendable. Il faut que tu sois capable d'avoir une idée que même si tu souffres, ça te sort du trou. Donc, qui te permet de voir que tu vois des jours heureux. Puis que toi, étant un élément représentatif de l'idée, tu vibres du bonheur, tu vibres quelque chose qui ne va pas avec nécessairement ce que tu sens. Tu peux sentir que tu souffres beaucoup, mais ça ne passe pas de la souffrance. Il n'y a personne qui veut acheter ça, de la souffrance. On entend des nouvelles, la souffrance, puis On veut juste s'en débarrasser le plus vite possible. On veut juste plus y penser. On veut plus avoir quelqu'un qui est en chaise roulante, là, puis qui nous donne tout le temps l'impression que nous autres, on est coupable d'eux. Ça, les gens sont pas intéressés à ça. Fait que tu seras jamais autonome de quelque chose qui a de l'air fragile. Tu vas bâtir ton autonomie en présentant de la puissance, en présentant de l'autorité, en présentant quelque chose qui va te sortir d'un problème. Donc, toute créativité qui est basée sur une sorte de sentiment négatif, ça ne vous sortira jamais de la merde. Qu'est-ce qui se vend? C'est qu'est-ce qui s'échange. Qu'est-ce qui s'échange? Des solutions. Jamais des problèmes. Personne ne veut avoir des problèmes. Tout le monde veut avoir des solutions. Mais vous êtes créatif, il faut toujours que vous soyez capable de filtrer la lecture que vous faites de la créativité comme étant une solution. Donc, si une personne a une idée et elle dit « Ah, ça, c'est une bonne idée », il faut toujours qu'elle regarde si c'est une solution. Une personne, elle me disait une fois, elle dit « C'est drôle, toi, Ménard, elle dit, quand ça va mal, tu disparais. » Je dis « Ouais. » Elle dit « Pourquoi tu fais ça? » J'ai dit « Moi, le monde ne me trouve pas intéressant quand je suis malade ou quand je suis à terre ou quoi que ce soit. » Il faut que je sois en forme. Le monde, ils veulent me voir en forme. Ils veulent me voir comme le gars qui présente une veine puis qui donne du sang. Là, t'sais. Présentez-vous jamais faible ou malade. Le monde n'en veut pas de ça. Ils veulent avoir une peinte de sang. Ou, si vous aimez mieux, du bon sang. Ils veulent avoir quelqu'un qui a du bon sang. Hein? Alors, venez me voir, moi, parce que je suis un gars de bon sang. Fait que... Je me présente le bras d'une conférence, puis ah ouais, pompé. Si vous êtes pas capable de faire ça, les gens vont dire, ah ben c'est intéressant, mais qu'est-ce qu'il y a de plus que les autres? Le plus que vous avez des autres, c'est toujours ce que vous avez à donner. Puis faut que là, dans votre créativité, faut que la personne crée une sorte de lecture dans l'échange que ce que vous donnez, elle peut pas seule donner. Il y a juste vous qui pouvez y donner. Ou il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent y donner, mais vous, vous êtes la plus proche qui peut y donner. En d'autres termes, il faut que vous ayez un edge, un avantage. Quelque chose de supérieur qui puisse permettre de régler quelque chose qu'elle n'a pas. Il faut tout qu'elle voit qu'elle n'a pas quelque chose. Ou si, ça va de soi. Bon. Quand est-ce que les femmes se maquillent? Pas moins de ça, pour être couchée le matin, le soir, tu sais... Plus t'es comme un jean délavé, mieux c'est pour dormir. C'est, tout le monde le sait, ça. T'sais, moi, il me semble beurré ben épais, là. Je trouverais pas ça drôlement dormir le soir. Je salirais mes couvertes, puis mon oreiller, tout le kit. Là, vous vous démaquillez. Mais quand est-ce qu'une femme se maquille? Le matin. Elle se maquille pour aller chasser. Elle veut créer une impression. Le mâle, il est chasseur. Elle est chasseur aussi, mais modèle trappeur. La trappe. Le gars, il rentre dans la trappe, il se fait pogner, tandis que le chasseur, lui, ben, le gars, il part. Le mâle, c'est plus un chasseur. La femme, c'est chasseur, mais du modèle trappeur. Le maquillage, ça fait partie de ce que tu mets dans la cage. Donc, elle a compris une chose. Si elle veut être créative dans ses rapports avec l'homme, il faut qu'elle trappe. Puis un gars qui a été trappé, comment on appelle ça? Un gars attrapé. Hein? Bien sûr, hein? C'est ça être créatif, c'est trouver des mots. Sans ça, le gars, il va dire, moi, je les pogne au filet, j'ai des petites crevettes. C'est parce que c'était un chair d'aéros, ça me faisait penser à ça. Tout ça pour dire que la créativité, ça a une approche qui peut être très positive, dans le sens très proactive, puis ça peut avoir aussi une approche très passive, mais dans le sens de trappe, là, tu sais, dans le sens d'attraper. Et puis, les deux sont aussi valables l'une que l'autre. Ça a autant de force active, être, je dirais, passif-actif, là, passif dans le sens de, moi j'appelle ça le maquillage, la présentation, le marketing. Quand, exemple, vous entendez des annonces à la radio, c'est du maquillage, ça, là. C'est jamais comme ils disent, tu sais. Ils vous disent des affaires, là. C'est comme un gars politique. Tu vois bien que c'est un trappeur, le gars, là. Il nous attrape en nous faisant voter pour. Donc, c'est toute une notion de rapport qui doivent aboutir dans un échange. Fait que si tu es créatif, faut toujours que tu aies une lecture de qu'est-ce que tu vas emmener dans l'échange. Puis si une personne, dans sa créativité, est assez organisée, donc c'est là que j'ai appelé l'affaire du concept. Si le concept est très bien présenté, c'est comme une cage bien montée ou un chasseur bien équipé. C'est un ou l'autre. Mais si les deux éléments savent exactement quel geste poser, quelle activité faire pour emmener un environnement à consommer ou à améliorer vos avantages personnels ou ce que vous pouvez tirer comme avantage en sens monétaire du terme ou en terme de climat politique, dans le sens d'image d'autorité que la personne va supporter ou va vous faire vouloir les choses. C'est ça de la politique. T'sais, quand un politicien vous demande un vote, il vous demande de laisser votre droit de décider à lui pour qu'avec beaucoup de droits, il ait le droit plus que tout le monde de faire certaines choses. Parce que plusieurs personnes y ont donné le droit de faire quelque chose. C'est ça la politique. Fait que c'est sûr que si vous avez une créativité qui vise éventuellement à améliorer votre vie, bien, vous cherchez à améliorer votre vie avec des outils. C'est pour ça que l'aspect concept est très, très important à la base pour diriger, parce qu'une créativité, c'est une vibration, donc pour diriger une vibration vers un échange. Il faut que ça soit compris tout de suite à la base. Vous ne pourrez jamais être créatif en pensant strictement à vos avantages. Il faut tout le temps que l'avantage de l'autre soit situé, puis éventuellement que vous voyez avec la réponse de l'autre, dans un échange qui peut être des tests à l'occasion, c'est bien important de toujours savoir lire dans les autres, quand vous êtes créatif, de l'impact que vous avez. Puis vous organisez votre concept là-dessus. Là, vous allez me dire, ouais, mais les résultats, là, c'est comme la température. Tu ne sais jamais quand est-ce qu'il va faire soleil. OK? Fait, faut pas que tu travailles pour des journées de pluie, à moins que tu vendes des imperméables, ça va de soi, là. Mais il faut tout que tu travailles en disant, bien, statistiquement, dans l'année, il y a tant de jours de soleil. Tu sais? OK? Faut que tu sois capable, dans ton concept, d'organiser ça pour que ça aille chercher un environnement, un groupe d'individus qui te donne, en final, une certaine satisfaction dans ton organisation pour que ça améliore ta vie, puis ça améliore la vie de l'autre. Ça n'a pas besoin d'être immense, ça n'a pas besoin de passer à la radio internationale, mais ça a besoin d'être contenu. Contenu, pour moi, de la créativité, c'est tu penses à tes besoins. Ça, c'est inévitable parce que tu ne peux pas te placer dans une zone de créativité qui va t'auto-détruire. Puis, il faut que tu penses à l'autre. C'est un couple à être créatif. Quand tu es créatif, tu es en couple. Quand est-ce que tu peux te marier? C'est quand tu fais l'affaire à quelqu'un. Hein? Vous êtes créatif? Il faut penser en couple. Il faut que tu penses à qu'est-ce que tu vas aller chercher dans la relation, mais il faut aussi que tu penses à qu'est-ce que tu apportes dans la relation. Surtout ça que tu n'as pas. Après ça, si ça répond, s'il y a un allumage qui se fait, là, à partir de là, tu peux commencer à travailler ses ressources. Bon, comment ça coûte d'arranger ça, cette idée-là? Comment ça coûte? Parce que l'autre va me demander une présentation, il va me demander une constance, il va me demander une image, il va me demander des garanties. Il va me demander une multitude de choses qui vont m'obliger à me bâtir avant de bâtir. Comprenez-vous, avant de partir d'un commerce, il faut toujours bien que tu aies loué un local, que tu aies décoré. Tu sais, il faut que tu investisses beaucoup avant que le commerce vive. Donc, il faut que tu aies des ressources. Tu as l'idée, tu as le concept, mais après ça, là, les gens disent, ouais, moi, j'achèterais ça, ton affaire, là. Moi, je vivrais avec ton service. Si tu aurais ce service-là, j'irais. Tu sais, pop. Et là, tu sais, vous me dites, vous autres, ça me tente d'aller voir tes conférences. J'ai un espace, moi, là. Il faut que je loue des salles. Il faut que je m'organise pour avoir un environnement que le monde ait un agrément à vivre. Mais ma salle, là, je n'ai pas loué ça à 5 heures après-midi, moi, là. J'ai loué ça il y a 4 mois. OK? Fait, je me mets au bat pour 200$. Que si vous ne venez pas, j'ai ça à payer anyway, là. Fait, quand tu es créatif, ta garantie, c'est tes ressources. C'est ton concept, mais c'est tes ressources. Tu n'as pas de ressources pour pouvoir accoter ça, là. T'as un sérieux problème. Là, on n'est toujours pas rendu à l'autonomie, hein? Bon, vous avez vos ressources. Après ça, il vous faut du support. Support, ça veut dire que il faut que dans votre environnement, il y a un minimum d'engagement qui vous dise « ça a bien de l'allure, cette affaire-là ». Puis si tu continues comme ça, on va y aller tout le temps. De l'engagement, aujourd'hui, dans notre société, c'est rare. OK? C'est très rare. Là, les gens vont dire, bien, à ce moment-là, pour avoir un support, on va aller voir des grosses compagnies, ce qu'ils appellent un sponsor, un commanditaire. Je sais que je parle beaucoup anglais, là, mais j'écoute beaucoup de radio anglaise aussi. Et puis là, évidemment, quand vous avez du support, bien, vous avez un environnement qui est solide, bien implanté, et puis qui s'engage. Parce qu'il faut avoir un environnement qui est bien implanté, mais qui ne s'engage pas. Qui vous met un petit peu comme sur une troule sur une canne à pêche, puis essaie de voir si la troule marche. Puis c'est vous autres qui prenez les risques pour la structure ou l'entreprise. Fait que vous avez une créativité, ils vont dire, ouais, on va te backer ça. Mais ils ne te backent pas ça pour plus que le test de marché. Puis même souvent, si sur le marché, ça marche, votre idée, ils vont regarder si ça marche parce que c'est vous, ou si ça marche c'est pour le service ou le produit. Puis là, s'ils voient que c'est le service ou le produit, ils peuvent vous tasser, mettre quelqu'un qui est plus structuré, puis ils disent, bon, ben là, on prend la ligne. Puis là, vous venez de perdre votre idée. Hein? Pas rare de voir ça, là. Fait que la personne n'est pas engagée vraiment, elle est engagée juste pour faire ses propres tests. Bon. Là, à ce moment-là, si moi, je vous dis, il vous faut du support, mais je parle d'un engagement vis-à-vis de votre personne. Il ne faut pas que ce soit un engagement strictement vis-à-vis de votre créativité. Vous me suivez? Ça, c'est rare. T'sais. Le gars, il est prêt à marier une femme riche, mais il ne veut pas marier une petite pauvre. Mais la petite pauvre est super fine, puis elle est prête à s'engager à 400%. Mais le gars, lui, dans ses évaluations, il se dit, ouais, on va me supporter. Moi, je suis capable de penser que je vais la supporter comme ça, elle, comme avoir des grosses attentes au bout de 5 ans puis 10 ans. Là. Fait que là, il dit, non, je ne suis pas capable de m'engager, fait que ça ne sert à rien qu'elle s'engage, je vais m'en aller vers l'opportunité. Il s'en va vers l'opportunité parce que l'opportunité, elle peut le flasher, comme lui, il pense qu'il peut la flasher. C'est deux êtres pas engagés. Leur créativité, c'est juste un coup de marketing. Ça meurt au bout d'un échange X avec le milieu, puis c'est terminé. Vous me suivez? Là, il y a des valeurs qui se brassent dans l'affaire de la créativité. Parce que je vous l'ai dit, le premier temps de vie de la créativité, c'est un temps d'âme. Il n'y a pas d'esprit là-dedans. Là. C'est un temps qui est tout basé sur la grosse survie crasse. Là. Fait que vous allez tester des concepts, vous allez tester un échange, mais en bout de ligne, ça revient toujours à un couple, ça revient toujours à un mariage avec ton environnement social. Bon, mais comment tu vis ton couple, c'est comment tu vas vivre ta business d'autonomie puis de créativité. Ça va être pareil. Il n'y aura pas aucune nuance dans le mode. Si vous avez un tempérament gosseux, chialeux, critiqueux, vous allez mettre votre business à terre par du gossage. Puis si vous avez une attitude qui est très généreuse, vous allez vous faire mettre à terre parce que vous allez être trop généreux, vous allez vous faire saigner. Vous n'aurez plus aucune capacité de vous régénérer dans le mouvement. Donc, c'est très important dans le support de sentir que les gens ont de l'engagement. Pourquoi? Pour assurer votre permanence. Ce qui manque d'un couple aujourd'hui, c'est justement cette matière-là qui assure une permanence. T'es soit aujourd'hui dans une permanence parce que t'as peur de pas survivre, parce que t'es tout seul, ou t'as tout simplement peur d'être à deux parce que tu te dis l'autre va me sacrer là en dedans de X temps. Pourquoi? Parce que vous connaissez des aspects de votre caractère qui est pas capable de tolérer ci ou tolérer ça, puis vous savez que ça va créer une échéance à court terme. Donc, créativité, comportement dans l'échange, comportement dans la vie à deux, dans l'intimité, c'est la même chose. C'est pareil. Comment vous pensez votre créativité puis comment vous vous structurez dans une vie intime, c'est exactement la même affaire. L'autre phénomène qui vient après, c'est la diffusion. Vous avez le concept, vous êtes bien structuré, bien organisé, toute la mise sur papier de votre affaire se tient. Vous avez des ressources pour supporter la mise en branche. Je regarde Charlie, il vend du coco, mais il faut que tu l'achètes avant. Il y a les moyens de s'acheter 300 pièces de canage de coco. Puis après ça, il y a un support, il y a un environnement qui vont donner à Charlie le petit push là, qui va dire bon, OK, c'est bon ton affaire, on embarque. On n'embarque pas pour 200 ans, mais on embarque. Fait que là, il y a le support, puis après ça, il reste à créer de la diffusion. S'il ne passe pas là, il va assassiner sa créativité à se faire surconsommer une petite plateforme qui ne peut plus, à un moment donné, prendre du coco, là, style un pot par jour. Tu sais? Un pot d'huile de coco là, par jour. Là. J'ai beau croire que ça guérit, mais à un moment donné, j'aurais besoin d'être malade pour arrêter d'en prendre. Tu sais. Non, ça devient too much. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils diffusent. Là, parce que s'il y a une banque de 40 personnes, puis ils s'arrêtent là, c'est la mort assurée. Fait qu'il faut que tu sois capable éventuellement de créer un mouvement spirale, puis créer un effet de diffusion. Puis il y a beaucoup de gens qui meurent là aussi, parce qu'ils ne sont pas capables de passer en mode diffusion. Ce qu'on appelle la mise en marché, le marketing. Bon, ça c'est l'aspect âme, OK, de la créativité. Qu'est-ce qui permet de survivre à des projets qui n'ont en final que le mot mission collé dans le front? Parce que de la créativité, ça a un caractère à substance commerciale, ce que la majeure partie des gens, on dirait facilement 97% des gens vont faire. De se mettre dans une lecture très, très astralisée de la créativité pour s'assurer un statut social, s'assurer une économie, une surface économique balancée, équilibrée, ou s'assurer un environnement dans lequel ils vont pouvoir opérer pendant X temps et puis qu'ils vont devenir soit sociétaires, communautaires ou quoi que ce soit, et puis que dans cette créativité-là, ils vont avoir une reconnaissance qui va faire que la personne va se sentir comme un rockstar pendant 25-30 ans de sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe quand à un moment donné, on mêle de l'esprit à ça? Qu'est-ce que l'esprit va bouleverser dans le phénomène de la créativité? Fait que si vous mettez l'esprit dans le phénomène de la créativité, vous allez retrouver des gens qui, peu importe le résultat, vont tenir jusqu'au bout. Fait qu'on pourrait appeler ça des gens qui sont engagés pas avec le résultat, mais qui sont engagés avec une vibration qui est plus forte que je dirais, le travail expérimental de l'âme sur leur personne. Ça va plus loin que leur âme. Ils sont prêts à en crever. Mais c'est pas ils veulent pas crever pour une cause, ils veulent crever pour quelque chose qui les nourrit à 400%. Dans ce qu'ils font. Moi, c'est un petit peu ça qui se passe avec le travail de conscientisation. C'est tellement nourrissant de travailler avec la vibration que même si je suis tout seul avec mes chats, je le continuerai pareil. Vous me suivez? C'est comme, j'ai pas besoin d'un public. J'ai un public, mais si j'avais pas de public, je serais capable de faire d'autres choses, couper du bois, bûcheron, n'importe quoi, réparer les moteurs de bisque à gaz, ça fait la même. Puis je continue à faire un développement de conscience. OK? Fait que ça fait une catégorie de gens que c'est comme je te dirais, là, tu peux te marier, tu n'as pas de sexe pendant 30 ans, puis c'est correct. Tu es bien avec l'autre, point. Vous me suivez? Fait que je vous disais tout à l'heure, la créativité, c'est comme une vie de couple. Quand c'est de l'âme, puis que tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de sexe, tu n'as pas d'affection, tu n'as pas de reconnaissance. Chris, tu floches, hein? Moi, je suis aussi bien de vivre tout seul. Mais quand tu es autosuffisant, ton autonomie n'est plus dans le résultat formel. Ton autonomie est bâtie par le plaisir de vibrer ce qui est ta créativité. Oh, c'est un autre ballgame, ça, là. T'es réellement, c'est une autarcie totale. Tu es totalement, mais totalement dégagé de toute forme de jugement. Tu es complètement dégagé de toute forme de résultats, ça je l'ai dit, puis aussi de critiques sur ta façon de faire. Parce que tu n'as pas une façon de faire pour faire plaisir, tu as une façon de faire pour te faire plaisir dans un environnement qui doit coller absolument ou que s'il ne colle pas absolument, ben on oublie ça du tout. Là, vous allez me dire, oh, c'est dangereux ça. C'est vrai que c'est dangereux parce que si vous bluffez, dans le sens que vous pensez que c'est de l'esprit, puis en réalité, c'est de l'âme. Là, vous êtes dans le champ. T'sais, moi, si ça ne me parle pas vraiment dans le mental, puis j'écoute des gens là, que ça leur parle, puis je vois bien que le gars qui a fait le snack à Virginia Tech, là, ça devait y parler dans le coco. Moi, ça me parle dans le coco, mais je suis loin de passer aux armes. Fait que lui, il se faisait astraliser par une entité, tandis que moi, c'est mon contact. Mais mon contact, pour un psy, là, tu sais, c'est, ouais, contact, on va checker la switch, voir si c'est le genre de contact. Pour les gens encore qui sont dans un environnement très, très astral dans la société, ça n'existe pas, ces affaires-là. Il y a encore du monde qui ont de la misère avec la réincarnation. Fait que, tu sais, on oublie ça, là. Avec l'évolution de votre créativité, faut que vous sachiez si elle part vers un mouvement d'âme, d'instinct, qui va être une expérience de vie, ou si c'est un mouvement de l'esprit qui va vous assurer un équilibre jusqu'à la fin de vos jours. Parce que l'équilibre, vous allez bénéficier de votre créativité qui vient de l'esprit. C'est l'équilibre qui va vous permettre de clarifier votre lecture dans les événements puis dans la vie jusqu'à la fin de vos jours. Qu'est-ce qui est l'ultime créativité? C'est quelque chose que la permanence de votre mouvement n'est jamais questionnée par vous. Elle peut être questionnée par votre environnement, mais elle ne sera jamais questionnée par vous. J'imagine des musiciens. Il y a des musiciens c'est caractérisé par l'aspect commercial. Ils veulent faire des tunes qui marchent. Ils veulent être sur le stage. Ils veulent être des gens là, reconnus de leur vivant. Fait qu'ils vont faire une musique qui colle à la populace. Puis il y a des gens, c'est des musiciens, qui vont essayer de faire une musique qui colle à ce qu'ils vibrent, à ce qu'ils vivent. Ça paraît, ça, ces musiciens-là. C'est pas les mêmes musiciens. Les autres, ils ont de l'esprit. Ils utilisent la forme, ils utilisent de l'âme, ils utilisent tout ça à faire. Mais c'est pas l'âme qui dirige. C'est leur senti intérieur, donc leur contact. Puis qui se sert de la forme pour arriver à des résultats qui peuvent peut-être être bien reconnus. Mais peu importe la nature de leur travail, si les autres n'ont pas le droit de juger, ben ils ont le droit, là, tu sais, je veux dire, dans le sens social du terme, de toujours le droit de juger, puis c'est correct aussi, tu sais. Mais c'est des personnes qui ne se polluent pas. Bon, fait que ça, pour ça, il faut que tu aies de l'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu craques. Parce que tu n'as pas une capacité de t'engager contre vents et marées. La permanence, il faut qu'elle soit dans ta vibration. Il ne faut pas qu'elle soit dans les modèles extérieurs. N'importe qui peut te faire changer d'idée parce qu'il réussit, tu n'es réellement pas d'esprit. Il n'y a rien qui existe dans ton coco. C'est juste l'opportunisme, point final. L'autre facteur, le dernier, c'est que l'autonomie, ça doit aboutir, parce qu'une autonomie, c'est pas quelque chose qui passe puis qui disparaît. Il faut que ça aboutisse dans un mode de vie. Fait que je pars du fait que la permanence, ça se trouve dans la vibration, donc dans la vibration dans le sens de l'esprit, et puis que ça doit éventuellement atterrir dans un mode de vie. Il faut qu'il y ait quelque chose de ton être qui soit cohérent avec ce que tu défends, ou ce dans quoi tu mets toutes tes énergies, ce dans quoi tu t'organises au max, et ce que tu vis. Tu sais, le gars, il est contre la musique rock, mais il est dans un show rock tous les fins de semaine. Alors pas, là. Il est engagé par quelqu'un pour faire ça. Fait que il faut qu'il y ait une cohérence. Puis cette cohérence-là, ben, les personnes peuvent la trouver dans le mode de vie, dans les échanges qu'ils ont avec des gens qui partagent la même ligne de pensée ou la même ligne de conduite. Fait que moi, je ne colle pas à des gens qui sont excessivement écolos. Parce que l'apocalypse en vient, là, puis moi, écolo. Je vois pas comment est-ce que. Je pense pas qu'on puisse éviter l'apocalypse. Donc, ça sert à rien de penser écolo tant que la planète n'aura pas mangé une méga volée. Là. C'est une crise là, monumentale qui va faire que tous les gens qui sont au pouvoir vont être obligés de s'arrêter. Pas réfléchir, s'arrêter littéralement pour repenser qu'est-ce qui est un équilibre sur la planète. Il faut qu'il y ait un profond déséquilibre qui s'installe avant. Il faut que ça saute d'aplomb. Quand ça va avoir sauté d'aplomb, puis là, ça ne saute pas encore. Ça fait juste commencer à sauter. Tu sais, les œufs, ça grésille là, avant de commencer à faire des pouf, là, quand ça fait des ballons, ces œufs, quand c'est trop cuit. Il faut que ça aille aux grosses ballons. Parce que le monde ne comprendra pas C'est pas, les gens à la masse, oui, ils comprennent tout le temps, parce que c'est eux autres qui sont les premiers sacrifiés. Mais les gens qui sont au pouvoir, qui sont protégés là, par toutes sortes de méthodologies quelconques, puis ils ont de la finance pour noyer tous les problèmes de la planète, noyer les problèmes dans le sens de ne pas y avoir eux autres accès, ou que les problèmes n'aient pas accès à eux autres, plutôt. C'est plutôt comme ça qu'il faut le dire. Bien, ces gens-là, il faut qu'ils soient attaqués là, réellement dans l'essence même, puis que le pouvoir qu'ils ont, ils ne l'aient plus, là, parce qu'ils n'ont plus de crédibilité, puis de confiance, puis ci, puis ça. Il faut qu'il y ait un chaos. Puis ça s'en vient, c'est proche, proche, proche. Sois écolo après, ah, pas de problème. Là, ça va être le temps. Tout le monde va te suivre. Parce que les gens vont dire, bien, la planète a sauté à cause de ça, ça, ça, ça, ça. Puis là, ce qui va rester du monde dans ce temps-là, là, ils vont être capables de faire des affaires, parce que là, tu vas avoir l'approbation globale. Là, l'approbation globale, c'est le cash, le cash, le cash. Le monde, il pense juste cash. Si tu penses pas cash, t'es un malade mental. Hein? On est d'accord, là? Si tu n'as pas ta pièce, tu payes ici, 2 piastres ton café, 2 piastres et demie là, puis 5 piastres là. Puis si tu en veux un bien bon, qui est le même que tu as payé 1 piastre et 25, écoute, 8 piastres, 9 piastres, 10 piastres, 15 piastres, 25 piastres, ça dépend du décor. Et là, tu t'en vas pas boire du café, là, tu t'en vas pavaner dans des environnements X, là. OK? Bon. Tant et aussi longtemps que l'argent va être la mesure de tout, vous n'avez pas dans une société une cohérence qui va aller jouer au niveau de l'esprit. Vous allez avoir des projets créatifs avec des gens qui ont beaucoup, beaucoup d'argent pour créer des ambiances X qui vont faire tourner une mode quelconque, qui va marcher parce que ça a été étudié comme ça. Puis c'est très facile de prévoir qu'est-ce que c'est le succès. T'sais, il vous faut énormément d'investissement. Puis avec tous les critères que j'ai donnés dans la première partie pour vous faire voir que, bon, effectivement, quand vous avez ça, là, vous êtes winner certain. Mais si vous vivez au niveau de l'esprit avec un engagement qui devient très, très personnalisé, vous êtes capable d'être seul, vous êtes capable d'être dans la masse, mais vous n'êtes pas vulnérable par rapport à la masse. Tandis qu'en haut, aux autres, si la masse ne les supporte plus, c'est fini. Toute personne qui vient en famille, le sait, il y a un piment familial. Chaque famille, tu rentres dans une maison, une autre maison, une autre maison, il y a tout un petit piment particulier. Il n'y a pas, on pourrait appeler ça la culture familiale, il y a une façon d'éduquer tes enfants, il y a une façon de faire la cuisine, il y a une façon de vivre, il y a une électricité que chaque personne a. Quand il y en a un qui est malade dans une famille, ça affecte tout le monde. Fait qu'il y a un mode de vie. Les gens qui vivent combinés ensemble, il y a des lignes de pensée. Tu sépares un homme et une femme, puis il y a un divorce, l'enfant est en déséquilibre. S'il est en déséquilibre, c'est parce qu'il se passe de quelque chose qui est en dehors du fait de voir son père et de voir sa mère à tous les 2 fins de semaine. S'il y a plus que ça, là. Il y a un changement dans la vibration. C'est la vibration qui s'atterre, là. Comment tu rebâtis ça? C'est ça, être créatif. C'est comment refaire de l'harmonie dans un environnement qui manque de cohérence. La créativité, son travail ultime, si on le regarde du point de vue de l'esprit, c'est de créer de la cohérence, de l'harmonie, puis une capacité de solutionner n'importe quoi. C'est ça. Avoir le contact, c'est un mode de vie. C'est pas un pouvoir que l'ego peut se permettre de dire « Moi, je vais faire ça avec ça. » C'est pas une baguette magique, la contact. Il n'y a pas un contact qui peut être doté par l'ego. Ça n'existe pas. C'est l'esprit qui dompte l'ego. Fait que, qu'est-ce qu'il veut? T'sais, les gens me disent ça. Qu'est-ce qu'ils veulent, le double? Le double, il veut que tu te crées un mode de vie à partir d'une façon d'être. Le reste, c'est des idées. La créativité, c'est des idées, c'est des concepts qui permettent à brasser de l'âme puis une expérience pour des résultats qui tantôt vont être extrêmement négatifs puis d'autres tantôt extrêmement positifs. Donc, il faut bien faire la nuance entre être créatif pour avoir des bonnes idées commerciales, qui toute la réglementation que je voulais donner, puis un autre niveau de créativité qui va vous emmener à un mode de vie, qui va établir une façon de traiter avec l'échange dans votre environnement. L'ego est très hypocrite. Il pense des fois qu'il faut qu'il joue l'image de l'engagement. OK? Mais quelqu'un qui vibre est capable de traverser toutes les babioles de la parole de l'ego. Parce qu'un ego, ça parle, mais dans l'action, s'il n'est pas supporté par l'esprit, il ne fera rien de cohérent. Il ne fera rien de permanent, parce qu'il n'y a pas de force dans l'âme. Il faut de l'esprit pour soutenir un mouvement. La seule façon que l'âme puisse donner une durabilité quand il n'y a pas la force de l'esprit pour l'accoter, c'est d'avoir de la collectivité. Il se met à 25 pour essayer de penser tout de la même façon. Puis là, 25, ça fait une gang de fanatiques qui se prennent bien dur en sniffant des aérosols pour pouvoir aller faire quelque chose. J'ai souvent dit aux gens, dans le passé, là, dans les conférences, les autres, c'est des événements dans votre vie. OK? Puis quand tu regardes les autres comme le fait que ce n'est pas des hasards qui soient là, OK? Là, ça devient excessivement intéressant de voir comment tu peux échanger avec ton environnement. Parce que l'environnement que tu vas aider à changer, c'est aussi ta vie qui change dedans. Les gens qui pensent juste à eux autres, ils se ferment. Puis ils finissent qu'ils ont un circuit tellement... Les gens qui se suicident, là, c'est parce qu'ils réduisent tellement leur environnement à eux-mêmes qu'à un moment donné, ils n'ont plus d'espace pour communiquer avec l'extérieur puis ils n'ont pas surtout d'intérêt pour les autres. Quand tu commences à ne plus avoir d'intérêt pour les autres, c'est la fin. Puis le suicide n'est pas loin. Tu veux aider quelqu'un à sortir du suicide ou si tu sens que quelqu'un est réellement il commence à se couper de tout ce qu'il peut aimer, l'équilibrer, le balancer. Là. Ça veut dire qu'il est à la veille de sauter. Mais si tu veux l'aider à sortir, il faut que tu y trouves des points d'intérêt vers l'extérieur ou l'extérieur peut avoir un point d'intérêt avec ce qu'il est. Puis s'il y a un échange qui se fait, là, la personne va faire un autre petit bout. Si elle est trop sensible au rejet, puis qu'en quelque part, elle n'est pas capable de soutenir le mouvement de l'échange, elle va retomber dans ses patterns suicidaires. On veut trop aider les autres, puis on veut trop rentrer dans le processus décisionnel en pensant qu'on sauve une cause. On veut trop pour les autres. Il y a des gens, c'est comme s'il faudrait que tu nourrisses leur ego sans arrêt. Ça finit plus. C'est pas ça, avoir de l'esprit. Quand tu es pris avec un vampire de même, là, c'est de l'âme à l'os. Là. Exit. Il faut que ça sorte de ta vie. Bon, bien, de la créativité, là, quand vous la vivez au niveau de l'âme, ça devient généralement aussi obsessif qu'une femme qui n'arrête pas de te demander. Je sais pas si vous aviez une auto qui vous coûterait... 1 000 $ par mois tout le temps, là, en réparation, en ça, en entretien, à moins d'avoir des maudits bons moyens, vous finiriez par dire hey, « wow, ça va arrêter en quelque part ». Mais de la créativité, ça peut devenir une forme mentale qui vous vampirise d'une façon obsessionnelle à des niveaux que vous ne pourrez jamais voir le bout. Quand vous avez une vibration puis que vous avez une permanence, savez-vous c'est quoi votre avantage? Vous avez du temps. Parce qu'un ego qui n'a pas de résultat, là, ça n'a pas de gros support. Ça n'a pas de gros support. C'est très, très, très fragile, un ego qui n'a pas de résultat. Très fragile. Fait que s'il n'y a pas un environnement pour le nourrir en d'autres choses, là, il s'écrase puis il sèche. Mais s'il y a de l'esprit dans la forme, les side effects garantissent une luminosité. Fait que c'est pas votre projet, c'est pas votre idée, c'est pas votre créativité qui est le problème. C'est que pour vous rendre à une autonomie, il faut que l'autonomie soit collée à un mode de vie. Il faut qu'en quelque part, il y ait un mode de vie dans ce que vous faites. Sinon, c'est juste une idée. Fait que vous allez me dire, la cause est-tu payante? L'idée est-tu payante? Tant que vous êtes là-dedans, dans l'affaire du résultat pour régler vos problèmes de survie personnelle, vous êtes encore dans un processus de créativité très animique, très astrale, ça risque d'être bien compliqué. Parce que je vous dis, à ce niveau-là, vous êtes mieux d'aller chercher des jobs qui collent à vos talents naturels. Puis essayez pas d'être créatif, les autres vont l'être à votre place. Fait que votre créativité, si elle est axée strictement sur la survie, elle est astrale. Si elle est axée sur un mode de vie, c'est là que le party commence. C'est là qu'est votre sens de la vie. J'entends tellement de gens me dire « Je t'ai curé de ma job, je t'ai curé de ci. » C'est tout du monde qui ont développé un talent juste pour survivre. Mais c'est pas un mode de vie, ça. Il y a des affaires, à un moment donné, là, que c'est au-delà de ça. Alors, moi, je suis heureuse ou je suis heureux parce que je vis pour mes enfants. Ouais, check bien ça quand tu as 18 ans, 20 ans. tes enfants vont prendre le bord. Ça part tout le temps des enfants. Mais ça fait un bout. C'est créatif pendant le temps que les enfants sont à la maison. Les enfants s'en vont, c'est-tu ta créativité qui va te prendre le bord? Qui va aller rester à Vancouver? Qui va aller rester à telle place? Ça, c'est con en Christ pour les parents de penser de même.